Noel Bimbo. Welcome. Bonsoir. Bienvenue. Les cadeaux. Attention sarcas. Touché, cassé, il faut payer. Bon, ambiance bimbo. Noël. Les cassettes du Noël. Les anciens et les trucs, en porcelaine. Dépensez l'argent. Allez, allez.